Chapitre 39e. Comment les nouvelles se propagent-elles dans une grande ville comme Paris, avec une rapidité telle que ce qui se passe à Auteuil ou à Bercy est connu au boulevard Montmartre en moins d'une demi-heure? Il y aurait là une intéressante étude à faire, et qui mérite de fixer l'attention des esprits curieux. Comme ce n'est pas le sujet de ce récit, il suffit de dire que le drame de l'avenue Raphaël, qui s'était accompli entre 4h15 et 4h20, était connu sur le boulevard à 5h. À ce moment même, une rumeur parcourait tout Paris, et l'on se répétait qu'à Passy, un mari venait de tuer sa femme et l'amant de celle-ci. Immédiatement, deux voitures quittaient le boulevard Montmartre et couraient au grand trot dans la direction de la Madeleine. L'une avait été prise devant le café de Madrid et l'autre devant le café de Suède. Elles allaient d'une même allure, comme si l'ordre avait été donné aux deux cochers de se suivre. Après la Madeleine, la rue Royale, la place de la Concorde, le cours La Reine et le quai de Billy. En passant devant la manutention, la personne qui se trouvait dans la première voiture ouvrit la glace et tirant son cocher par la manche. « Vous ne tournerez pas vis-à-vis le pont d'Iéna, » dit-elle, « mais vous continuerez tout droit. Si la voiture qui est derrière nous nous suit encore, vous la laisserez passer devant, comme si votre cheval n'en pouvait plus, et vous ralentirez de manière à la perdre. Alors, vers la barrière, vous prendrez la première rue que vous trouverez à droite et vous monterez rapidement dans Passy. Vous avez compris, 2 francs de pourboire, si cela est proprement fait. » La manœuvre s'exécuta telle qu'elle avait été commandée, et tandis que la seconde voiture, devenue la première, dépassait au grand trot la barrière des Bonshommes, celle qui, depuis le boulevard Montmartre, avait tenu la tête, enfilait une petite rue et escaladait, à grands coups de fouet, la montée de Passy et s'arrêtait devant la lanterne du commissaire de police. Un rassemblement compact encombrait la rue, et il n'y avait qu'à ouvrir les oreilles pour entendre les propos de la foule. L'assassin venait d'être transféré à la conciergerie, et le commissaire de police s'était transporté à l'avenue Raphaël. Sans s'arrêter, pour ainsi dire, la voiture continua sa course rapide vers le Ranelagh, mais en arrivant à avenue Raphaël, elle trouva, courant devant elle, la voiture qu'elle avait voulu perdre. Elles s'arrêtèrent en même temps, et les deux personnes qui les occupaient, deux jeunes gens de 25 à 28 ans, étant descendus, s'abordèrent en riant et se serrèrent la main. « Bien fait ton tour de la barrière, mais tu sais, je n'en ai pas été dupe. Tu m'avais donc reconnu ? Non, je te sentais. Sais-tu quelque chose ? Rien, rien. Il faut voir alors. Veux-tu renvoyer la voiture ? Je te ramènerai. Non, renvoie la tienne. À l'ouvrage alors ? » Des groupes s'étaient formés sur la chaussée et sur la pelouse, et bien qu'il tombât une petite pluie glaciale, chacun discutait avec animation. On levait les bras au ciel et l'on poussait des cris d'horreur ou d'indignation. Les deux jeunes gens voulurent pénétrer dans la maison, mais ils furent repoussés par les sergents de ville postés à la porte d'entrée. Explication, supplication, rien ne put ébranler les agents qui avaient une consigne. Les jeunes gens revinrent alors vers les groupes. Dans l'un de ces groupes, un homme à la tournure vulgaire et importante pérorait avec majesté. On faisait cercle autour de lui. On dit aux jeunes gens que c'était le gardien de la maison, et alors ils s'approchèrent cérémonieusement en lui présentant leurs cartes. Il daigna les prendre du bout des doigts, et, les ayant lus à la lumière d'un bec de gaz, il s'inclina gracieusement, et écartant la foule, il fit signe aux jeunes gens de le suivre. Lorsqu'ils se furent éloignés de quelques pas, il se tourna vers eux. « Messieurs, dit-il, je suis heureux de me mettre à votre disposition. Je sais quel sacerdoce remplit la presse, et je serai toujours fier, dans la faible mesure de mes moyens, d'aider à répandre la vérité. Des journalistes, des reporters qui s'adressent à moi, j'en suis flatté, d'autant plus même que je suis votre lecteur quotidien, faisant ma nourriture habituelle de vos feuilles, que je considère comme les meilleures. Mais vous vous êtes fait connaître à moi, vous désirez peut-être savoir réciproquement qui vous parle. Chabenet, Alexandre, 47 ans, régisseur de ces maisons. Vous entendez, n'est-ce pas, Chabenet ? Pas Chabanet, Chabenet. Je sais par expérience combien les fautes typographiques sont désagréables dans les journaux. Et si vous jugez bon d'imprimer mon nom, je vous y autorise d'avance. Au reste, ayant joué un rôle important dans cette terrible affaire, je serai contraint de figurer au débat. Quel rôle ? J'ai désarmé l'assassin et, le menaçant avec son propre revolver, dont je m'étais emparé, je l'ai contenu pendant que j'envoyais chercher la justice. On peut dire sans exagération que par ma fermeté et ma présence d'esprit, j'ai empêché de grands malheurs. On le dira, soyez-en sûr. Oh, pas d'éloge, je vous prie, la simple vérité. Cette vérité, il faut la connaître. Je suis tout disposé à vous la raconter. Ne pourrions-nous pas entrer dans la maison ? Mais sans doute. Je vous demande pardon de ne pas vous l'avoir encore proposé. Les agents de police voulurent s'opposer à l'entrée des reporters, mais Chabnais se tournant vers eux avec dignité. « Des amis à moi, » dit-il, « les empêcherez-vous de pénétrer dans mon domicile ?» Arrivé dans ce domicile, il les invita à s'asseoir devant sa table et les voyant prêts à prendre des notes, il se plaça à la porte pour que personne ne pût venir les déranger. « Je connaissais M. Erol depuis longtemps déjà, » dit-il en commençant son récit. « Qui, Erol, le peintre ?» Oui, monsieur Erol, notre peintre fameux, c'est lui qui à cette heure gît dans cette maison, victime de ses passions. Et comment se nomme la femme? Ah, voilà, la vérité me force à confesser que je n'en sais rien. C'était une dame. Je veux dire, c'est une dame, car Dieu merci, elle n'est pas encore morte. C'est une dame très belle, très distinguée. Je l'aurais cru de race noble. Cependant, son linge n'a point d'armoirie. Il est marqué d'un J et d'un D. Ce n'est donc qu'une bourgeoise, mais de la haute bourgeoisie. Enfin, messieurs, une femme charmante pour laquelle chacun de nous aurait donné sa vie. » Il continua son récit en remontant aux premières visites de Juliette. Puis il arriva à l'intervention d'une vieille dame qui l'arrangea sans parler du prix d'achat. Enfin, il dit comment, quelques heures auparavant, le mari de cette femme charmante, homme fort bien d'ailleurs, s'était présenté, et comment lui, Chabnais, l'avait exhorté au calme et à la modération avant de l'introduire dans un cabinet d'où le malheureux avait dû tout voir. À ce moment, il se fit un mouvement à la porte d'entrée et l'on vit paraître, marchant vite, un grand vieillard à cheveux blancs. « Le chirurgien de Beaujon qu'on a été chercher, » dit Chabnais. « Carbonneau ?» s'écria l'un des reporters. Et ramassant ses papiers en un tour de main, il s'élança vers le chirurgien. « Eh bien, qu'a-t-il donc ?» demanda Chabnais. « Il nous abandonne. »« Il était carabin avant de faire du journalisme. Il connaît Carbonneau. » Et le second reporter frappa la table avec dépit. En effet, après avoir lutté à qui arriverait seul à Passy, ils s'étaient trouvés nez à nez et ils avaient recueilli ensemble les mêmes renseignements. Mais maintenant, son rival allait prendre sur lui un avantage considérable. Par le chirurgien, il aurait des détails particuliers, et il pourrait saler son récit de mots techniques qui ferait le plus grand effet sur le lecteur. Il était distancé. Pour se rattraper, il interrogea minutieusement Chabnais et se fit décrire par celui-ci l'ameublement de l'atelier. Enfin, le premier reporter revint. « Eh bien, rien, je ne sais rien de particulier, si ce n'est que Carbonneau espère la sauver. « Ah, merci, mon Dieu !» s'écria Chabnais. Mais le second reporter fit un signe au gardien et s'approchant de lui. « S'il nous dit qu'elle est sauvée, c'est qu'elle est perdue. Je connais cette ficelle. » Et tous deux se remirent à écrire. Mais une fois encore, ils furent dérangés par le bruit de la rue. Plusieurs voitures venaient de s'arrêter. C'était la justice qui arrivait. De l'une des voitures descendirent un juge d'instruction et son greffier. De l'autre, Adolphe, soutenu par les gens de police. Il était pâle à faire peur. En marchant, ses jambes fléchissaient sous lui. Lorsque ce cortège passa devant la loge du gardien, le second reporter courut vers le greffier. Son tour était venu. Lorsqu'il était clair d'avouer, il avait connu ce greffier, et il espérait obtenir de lui quelques renseignements, au moins ceux qui peuvent se révéler, le nom du mari, son adresse, etc. Mais le greffier vivait dans la crainte des journalistes. Il répondit à peine aux questions qui lui furent posées et il tâcha de se débarrasser de son ancien ami. Cependant, celui-ci parvint à l'accompagner jusqu'à la porte de l'atelier et là, il fut témoin d'une scène qui, bien dramatisée, produisit un grand effet dans son récit. « Ah, monsieur, » dit Adolphe, s'adressant au juge d'instruction, « ne me forcez pas à entrer. Il le faut, monsieur. Eh bien, je vous en supplie qu'on aille avant demander comment elle est, si elle vit encore. » Par grâce. Un homme de police entra dans l'atelier, et bientôt ressortant, Il parla bas au juge d'instruction. « Elle est vivante, monsieur, et le docteur Carbonneau est près d'elle. »« Ah, mon Dieu !» s'écria Adolphe. « Entrons, entrons !» Le cortège entra dans l'atelier, et la porte fut fermée. Cependant, le reporter resta là, et son attente ne fut pas perdue. Tout à coup, on entendit un grand cri et la chute d'un corps. Bientôt, la porte se rouvrit, et les agents parurent, portant Adolphe sur leurs bras. Il s'était évanoui. Au bout d'une heure, le juge d'instruction revint à sa voiture et les agents remontèrent Adolphe dans le fiacre qu'il avait amené. Puis, bientôt après, Carbonneau sortit à son tour et l'on apprit que l'état de la blessée était si grave qu'on ne pouvait pas la transporter. Un médecin restait près d'elle pour la veiller. Les reporters n'avaient plus rien à apprendre avenue Raphaël et l'heure les pressait de rentrer à Paris pour donner leur article le soir même. Cependant, prêts à monter en voiture, ils s'arrêtèrent. « Tout cela est fort dramatique, » dit l'un d'eux, « mais c'est égal, nous n'avons pas de mot de la fin. »« Inventons-en et mettons le même tous les deux, ça lui donnera l'apparence de la vérité. »« Oui, mais lequel ?»« Ah, voilà. » Ils restèrent un moment à réfléchir. « Ah, j'y suis. » Un détail saisissant, en lavant ses mains rouges de sang, M. Dalifard s'écria comme Lady Macbeth, toute l'eau de la mer n'effacerait pas ce sang. Ah, mauvais, mon cher. Bon dans un journal littéraire. Chez nous, ça ne vaut pas un radis.